The Ulysse Travel. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Carte Libre. Je suis Gaëtan, je reçois un invité. Salut Emmanuel. Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans votre magnifique radio. De quoi allez-vous nous parler ? Je voulais vous parler d'un film que j'ai aimé. Freddy contre Jason, qui met en scène les deux plus grands tueurs des films d'horreur. Avec Jason, le tueur de la saga Vendredi 13, et Freddy, le tueur fou de la saga Freddy Krueger. Le film est sorti en 2003, réalisé par Ronnie Yu, avec Robert Englund dans le rôle de Freddy, et Ken Kersinger dans le rôle de Jason. J'ai choisi ce film car il souffre de notoriété, parce que le précédent Jason va en enfer a été un navet. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film ? J'aime l'idée d'avoir réuni ces deux tueurs. Il fallait y penser. Et surtout, l'univers sanglant de Jason et celui un peu drôle de Freddy vont parfaitement ensemble. Aimez-vous ce film malgré ses défauts ? Quel genre de défauts ? Car je ne trouve pas que le film a des défauts. Pouvez-vous nous parler des effets spéciaux ? Les effets spéciaux sont bien. Certes, on a vu mieux. Certaines scènes sont pas mal. Mais il arrive parfois que le sang ressemble à du jus de tomate. Est-ce que le film fait vraiment peur ? Ça dépend. Certaines scènes peuvent faire peur. Par exemple, attention, spoiler alerte, celle de l'infirmerie, où la fille se fait arracher le nez. Et on ne sait pas si c'est dans ses rêves ou si c'est dans la réalité. Est-ce que le film a, selon vous, une bonne note ? Ils auraient pu mettre une meilleure note que 2,2 sur 5. Mais bon, ça aurait pu être pire. J'aurais mis, selon moi, un peu plus que la moyenne, c'est-à-dire 3 sur 5. Maintenant, la question que tout le monde attend. Selon vous, qui gagne contre Freddy et Jason ? Eh bien, selon moi, le gagnant est Jason, car il est plus grand, plus fort, et peut faire preuve d'une très grande intelligence pour utiliser tout ce qui lui tombe sous la main. Mais ce n'est que mon avis. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous suivre. Au revoir et bisous sur la fesse gauche.